Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission que vous attendez, j'en suis certain. Elle s'intitule « Dansez maintenant ». Je ne suis pas seul, vous le savez, il y a Arlette avec moi, il y a Christophe Pesset, rien que pour vous. Alors, c'est parti pour une heure d'émission. Mais pourquoi l'émission s'intitule « Danser maintenant » allez-vous me dire? Eh bien tout simplement parce que dans cette émission, on va danser, on va chanter, on va profiter de l'accordéon, on va profiter de la chanson française, rien que pour vous et rien que pour le plaisir. Allez, on commence tout de suite avec une marche, la marche du Dauphiné libéré, interprétée ici par Éric Colomb à l'accordéon. Allez, on vous offre des roses. Une fleur, rien qu'une rose, interprétée par l'orchestre Tendance. Thank you. rien qu'une rose que j'ai cueillie pour toi. Cette fleur, oui, cette rose te redira tant de choses du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle entre tes doigts. Cette fleur, oui, cette rose dira mieux que je ne l'ose tout l'amour que j'ai pour toi. Je n'ai pu te garder auprès de moi, et ton amour me glisse entre les doigts. Sauras-tu te souvenir de nos serments d'avenir, et puis mourir d'aimer? Bonjour Hubert et bonjour à toutes et à tous. Merci, alors cette semaine je veux vous faire voyager. Direction, allez, je vous donne un indice, un drapeau. Vert, rouge, blanc, vous allez dire l'Italie. Eh bien non, nous partons en compagnie de Louis Camblor du côté du Pays Basque. Il va vous jouer tout de suite au pays du Fandango. Le Fandango, vous savez, c'est le style musical, une danse traditionnelle espagnole, portugaise. Allez, plutôt que de parler, on l'écoute. Thank you. Voilà le fandango. Alors, aussi une culture basque. Vous savez que la musique est très présente dans la culture basque, la musique, la danse. Et justement, eh bien, au Pays Basque, on danse également le saut basque. Alors, je suis sûr que vous avez vu tous ces costumes traditionnels de blanc, de rouge, de noir, pareil pour les dames, et où on porte une couronne, des fois c'est même que la moitié d'un cercle, hein, vous savez, avec un peu comme du papier crépon, et puis on fait le saut basque. Eh bien, on va tout de suite en écouter deux extraits de faux basque. C'est parti, de saut basque, pas de faux basque. La chanson française est à l'honneur et chaque semaine, Arlette nous en parle avec le plus grand des bonheurs. La voici, Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, je suis sûr que cette semaine, tu vas nous parler encore d'une grande star. Sais-tu, Hubert, que ce grand monsieur dont nous allons parler maintenant est aimé de tous. Oui. Aussi discret dans sa vie que tendre dans ses textes et doux dans ses musiques. Ah oui.

1993, Adamo est nommé ambassadeur de l'UNICEF en Belgique. Jacques Brel a dit de lui qu'il était un tendre jardinier de l'amour. Quel merveilleux compliment venant de ce grand monsieur qu'est Jacques Brel et que nous mettrons à l'honneur très bientôt, si tu le veux bien, Hubert. Oh oui, je le veux, Arlette. Et oui, ce sera un grand plaisir pour moi. Au revoir à tous. Au revoir, Hubert. Au revoir, Arlette. Merci pour ce bon moment et à la semaine prochaine. Ciao. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Les enchaînements sont bien faits quand même. Voici un grand monsieur de l'accordéon qui a justement joué avec Jacques Brel. Voici Marcel Azola. Cette belle chanson s'intitule « Adieu et bonne chance », mais on n'est pas encore parti. Hein. Voici l'Orchestre Tendance, votre serviteur Hubert Ledent et Éric Colomb. Notre amour était plus grand que l'infini, mais l'habitude et le temps nous ont trahis. Les fleurs sur notre chemin se sont fanées, et notre dernier matin va se lever. Notre amour était plus bleu qu'un ciel d'été, mais le temps des jours heureux s'est envolé. Alors à quoi bon les larmes et les regrets? Vaut mieux souffler la flamme à tout jamais. Adieu et bonne chance, mon amour, mon tendre amour. Adieu et bonne chance. C'était du bonheur à en mourir, mais aujourd'hui le meilleur devient le pire. La vie a tourné les pages de notre histoire. Le navire a fait naufrage, il est trop tard. Nous deux, ce n'est déjà plus qu'un souvenir. Au fond de nos cœurs déçus, tout se déchire. Alors à quoi bon la peine et le chagrin? encore un dernier je t'aime, et c'est la fin. Adieu et bonne chance, mon amour, mon tendre amour. Adieu et bonne chance, mon amour, pour toujours. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Et on va danser aujourd'hui le cha-cha-cha. Un rythme latin tout droit venu du soleil, comme un doux parfum qui chante et nous émerveille. C'est sur ce refrain que je vous emmène. Ça fait du bien, c'est comme un lien qui nous retient. Cha-cha corazón, c'est une romance. Cha-cha corazón, qu'on aime et qu'on danse. Cha-cha corazón, il est fait, je pense, pour toi. Cha-cha corazón, suis bien la cadence. Cha-cha corazón, c'est une évidence. Cha-cha corazón, il est fait pour toi et moi. C'est une romance. Cha-cha corazón, qu'on aime et qu'on danse. Cha-cha corazón, il est fait, je pense, pour toi. Oh, oh, oh. Cha-cha corazón, suis bien la cadence. Cha-cha corazón, c'est une évidence. Cha-cha corazón, il est fait pour toi et moi. C'est une romance. Cha-cha corazón, qu'on aime et qu'on danse. Cha-cha corazón, il est fait, je pense, pour toi. Oh, oh, oh. Cha-cha corazón, suis bien la cadence. Ah, le cha-cha corazón, j'ai le plaisir de l'interpréter avec cette très bonne accordoniste qui s'appelle Bernard Marly. D'ailleurs, on va continuer avec Bernard Marly et Au pays du Beaufort. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. D'abord, il y a les monts qui ont tous de beaux noms, des torrents, des rochers et des croix au perché. Où qu'ils soient, où qu'ils aillent, résonnent les sonnailles des troupeaux en mouvance sur ces espaces immenses. Au pays du Beaufort, là-bas sur les alpages, à deux pas des nuages, existe un trésor. Il y a tous ces chemins qui frôlent des ravins, ces lacs bleus entourés de rocailles et de prés. Il y a ces chapelles harcelées par les vents, figées sur les versants comme des sentinelles. Au pays du Beaufort, là-bas sur les alpages, à deux pas des nuages, existe un trésor. Entre les sapinières, dans le fond des ravines, grimpent les tarines et les abondancières. Elles ne sont pas cossardes, ces vaches savoyardes, qui savent où sont les fleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça donne un fromage, sans doute un des meilleurs, qu'elles rendent hommage tous les dégustateurs. Au pays du Beaufort, là-bas sur les alpages, à deux pas des nuages, existe un trésor. Sorgia FM, Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Accordéon Nouvelle Vague, deuxième partie. Alors, on a pu découvrir dans une première partie le fandango, le saut basque, tout ceci extrait de l'album de Louis Camblor qui s'appelle tout simplement Pays du Fandango, un magnifique album à vous procurer qui reflète vraiment l'âme du Pays basque. On va retomber dans la musique, on va dire plus traditionnelle, avec cette fois-ci un tango, Les Amoureux du Pays basque. Thank you. Alors je sais bien qu'on va pas en faire un fromage, mais quand même, cette belle chanson interprétée par Arlette, justement, qu'on a retrouvée tout à l'heure, on fait un petit tour dans la vallée du Reblochon. Dans la vallée du Reblochon, les montagnards vous chanteront. Les villages en couleurs, les paysages en fleurs, les plaisirs au sommet du bonheur. Dans la vallée du Reblochon, les hauts Savoyards vous diront: venez nous retrouver, venez rire et chanter. Le Reblochon, c'est la santé. Que ce soit au Grand Bornand, à la Cusa ou à Saint-Jean, ce fromage porte un nom, c'est le Reblochon. Autour de tourne la passion, c'est notre bon Reblochon. Dans la vallée, ils chanteront le Reblochon. Hey! Hey! Dans la vallée du Reblochon, tôt le matin nous entendons la vache et son pivot, le cliquetis des seaux, la fermière qui ouvre ses rideaux. Dans la vallée du Reblochon, le lait qui remplit les bidons deviendra, c'est merveilleux, un fromage onctueux. Pour le plaisir, dégustons-le. Et que ce soit au Villard, aux Aravis, au Chinaillon, ce fromage porte un nom, c'est le Reblochon. Sur lui on peut en dire long, car le roi de nos maisons, c'est sans façon, un compagnon, le Reblochon. Hey! Hey! Dans la vallée du Reblochon, quand les sapins avalent, les rayons du soleil, doucement les fleurs se fermeront. Dans la vallée du Reblochon, toutes les cloches vous diront qu'on ne trouve pas ailleurs ce délice tendre à cœur, notre Reblochon. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Dans la Sienna, j'entends sur la musique la jolie voix de la fille du Mexique. Tous ses amis, les mariachis, lui disent adieu avant qu'elle ne quitte le pays. C'est au Texas, à la frontière juste en face, que Dolores va perdre sa jeunesse. Pour des dollars, elle va chanter dans les bars, car l'Amérique aime les filles du Mexique. Adios Dolores, jolie princesse, on croise les doigts dans la hacienda. Adios Dolores, jeune princesse, quelle tristesse. Adios Dolores. Thank you. dansez maintenant. Sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas notre vie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts. Et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père à père rouge ou noir, qui est le plus heureux ce soir. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. En amour, la loi, c'est comme à la guerre. Plus fort des deux reste le dernier. Bravo, tu as gagné. Malgré tous mes efforts, mais les dés sont jetés. C'est bien toi le plus fort. Le plus fort. Temps malheureusement de se dire au revoir et de se retrouver avec le plus grand des plaisirs dès la semaine prochaine. Lancez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Allez, au revoir à toutes et à tous, je vous embrasse, merci, passez une très bonne semaine, au revoir. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles noires sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en l'emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Bien, elles s'en vont comme les bateaux.